بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc, Inch'Allah, on termine la surat Abasa. Donc, on est arrivé au verset « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ » Que l'être humain regarde sa nourriture. C'est-à-dire qu'il médite, qu'il prenne le temps de réfléchir sur sa nourriture. Et ici, Allah nous appelle à réfléchir sur la nourriture dans le sens où c'est un bienfait de sa part. Et donc, il demande de la reconnaissance. Et d'un autre côté également, sur la façon dont cette nourriture provient, c'est également un signe qui pousse le kafir à reconnaître que la résurrection est possible. Puisque, comme on va le voir dans les versets, la nourriture elle vient de la terre, dans laquelle au départ il n'y a pas de vie. Et c'est lorsque l'eau y tombe et que la graine pousse que la vie y naît. Donc celui qui est capable d'agir ainsi est capable également de faire revivre les morts. C'est ce qu'on comprend dans le siyaq, c'est-à-dire dans, quand on regarde l'ensemble des versets, le contexte des versets, on comprend qu'ici Allah appelle l'être humain à ça, c'est-à-dire d'une part à réfléchir sur ses bienfaits, et d'autre part à réfléchir aussi sur la résurrection, et le fait que la résurrection est possible et que c'est facile pour Allah. Donc « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ » Que l'être humain regarde sa nourriture. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna, ici c'est-à-dire falyanzur anna. Pourquoi ça commence par anna alors que normalement une phrase elle commence plutôt par inna? Parce que c'est dans le sens, c'est la suite de ce qui précède. Falyanzur al-insanu ila ta'ami, falyanzur anna sababna al-ma'a sabba. C'est-à-dire qu'il regarde, qu'il réfléchisse au fait que nous avons sababna, c'est-à-dire nous avons versé l'eau. Sabba, sabba, le mot sabba ici c'est pour insister. C'est-à-dire nous avons déversé l'eau en grande quantité. Et dans d'autres qira'at, on peut lire, on le lit également inna. Si un jour vous entendez l'imam qui récite inna sababna al-ma'a sabba, c'est une qira'at du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Puis nous avons shaqaqna. Shaqqa c'est le fait de fendre quelque chose. Donc, puis nous avons fendu la terre. C'est-à-dire que l'eau pénètre dans la terre et quand le végétal va pousser, il va fendre la terre pour sortir. Donc, est-ce que c'est l'être humain qui a versé l'eau? Est-ce que c'est lui qui a mis quelque chose dans la graine pour qu'elle pousse? Ça se fait tout seul par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'acte d'Allah lui-même. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. Puis nous y avons fait pousser حَبَّا. Al-hab, c'est les grains, c'est-à-dire comme par exemple le riz, le blé, l'orge, etc. Ça c'est ce qu'on appelle al-hab, et qui est plus ou moins la base de la nourriture pour l'être humain. Wa'inaban wa'qadba. Wa'inaban, c'est-à-dire et des raisins. Wa'qadba, al-qadba. Donc il y a certains mots que je ne vous dirai pas en français, je ne sais pas comment, à quoi ça correspond en français. De toute façon, même si j'avais le mot en français, je ne saurais pas à quoi ça ressemble. Mais le qadb, c'est des végétaux qui poussent sur la terre et qui, chaque fois qu'on les coupe, repoussent. Et en fait, c'est destiné aux animaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas les êtres humains qui les mangent, mais ce sont les animaux. Et ils sont faciles, c'est-à-dire que c'est une nourriture facile. C'est un bienfait de la part d'Allah qui est facile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pousse comme ça, sauvagement, et à chaque fois qu'on l'arrache, il repousse. Et c'est pour ça qu'on l'appelle « qadb ». Parce que le qadb, à la base, signifie le qata, le fait de couper. Chaque fois qu'on le coupe, il repousse. Wa zaytounan wa nakhla. et les olives, ou anakhla, ou plutôt les oliviers, ou anakhla, anakhla, c'est-à-dire les dattiers, ou ahada iqa rulba. On observe ici que le départ, il est le même. Le départ, c'est l'eau et le fait que la terre se fend. C'est-à-dire le départ, c'est l'eau et une graine qu'on met dans la terre. Et pourtant, d'une chose qui en apparence est la même, poussent différentes choses. Des choses salées, des choses sucrées, des céréales, des fruits tels que les dattes, des fruits avec du jus, etc. etc. Ou hadaiqa rulba. Hadaiq, c'est le pluriel de hadiqa. Qu'est-ce qu'on appelle hadiqa en arabe? C'est un jardin qui est entouré d'un mur. Donc hadaiq et rulb. Rulb signifie quelque chose d'abondant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de massif, dans le sens où il y a beaucoup d'arbres dedans. Et en fait, les salafs, ils ont expliqué rulban par différentes expressions, mais qui reviennent toutes à la même chose. Certains ont expliqué dans le sens où il y a beaucoup d'arbres dans ces jardins. D'autres l'ont expliqué par le fait que les troncs de ces jardins sont larges. D'autres l'ont expliqué par le fait que les arbres de ces jardins sont grands. Tout ça, ça revient à une même chose. C'est qu'un des bienfaits et un des signes d'Allah, c'est qu'il les fait pousser des jardins dans lesquels poussent des arbres immenses et des arbres nombreux. Comme notamment, un des meilleurs exemples à ça, c'est les palmeraies. Les palmeraies, c'est un des meilleurs exemples de wahadaiqa rulba, parce qu'effectivement, une palmeraie, elle est une forte concentration d'arbres, et c'est composé d'arbres très forts, très épais, très gros et très grands. Wa fakihatan wa abba. Et des fruits, fakiha. Les fruits, c'est ma yatafakkahu bihi l'insan. C'est-à-dire les choses que l'être humain il mange, yatafakkahu. C'est-à-dire c'est pas simplement une alimentation, mais c'est un plaisir. C'est ainsi qu'est appelé le fruit en arabe. Wa abba. Al-ab, également, c'est une nourriture destinée aux animaux. Un végétal. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an, c'est-à-dire comme un bienfait et une jouissance temporaire pour vous, dont vous profitez, dont vous jouissez, vous, lakum wa li'an'amikum, et pour vos bestiaux. C'est-à-dire que certains de ces bienfaits, l'être humain, il ne peut pas en profiter pour lui, mais il en profite pour ses bêtes. De même que certains de ces bienfaits, il ne viendrait pas à l'esprit de l'être humain de les donner à ses bêtes, parce qu'elles sont trop nobles. Donc il en profite lui. Donc Allah diversifie ses bienfaits, à la fois pour les êtres humains et à la fois pour leurs bêtes. Avant de passer au verset suivant, qui passe à un autre sujet, j'avais oublié de mentionner au début avec l'histoire de l'aveugle de Abdullah ibn Umi Maktoum, au début de la sourate, que le cheikh Abdurrahman al-Sa'adi, rahimahullah ta'ala, il a retiré du début de cette sourate une règle. Qu'est-ce qu'on trouve au début de la sourate? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concentré sur un riche qui n'était pas musulman, dans l'espoir qu'il entre dans l'islam. Et pour ce faire, il s'est détourné d'un aveugle qui, lui, on avait dit, selon les versions, soit il était déjà musulman et il voulait apprendre, ou soit il voulait entrer dans l'islam. Donc, si vous regardez, l'aveugle, la faïda avec lui, est-ce qu'elle est sûre ou elle est supposée? Elle est sûre. Parce que soit il est venu apprendre quelque chose, soit il est venu pour entrer dans l'islam. Alors que le kafir, qui était riche, lui, le riche, est-ce que la faïda, le bénéfice avec lui, il est assuré ou est-ce qu'il est juste supposé? Il est juste supposé. Donc de là, Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, il dit que de ces versets, on retire une règle. Et cette règle, l'être humain, il peut l'appliquer dans sa vie tous les jours, dans ses projets, etc. qui est « La tutraku al-maslahatu al-muhaqqaqa » ou « al-mutahaqqaqa » plutôt « l'il-maslahati al-mutawahama » C'est-à-dire, on ne délaisse pas un intérêt sûr pour un intérêt mutawaham, c'est-à-dire qu'on imagine, qu'on espère seulement, mais qui n'est pas sûr. Même si le deuxième, il est plus grand. Donc ça, ça peut s'appliquer dans ta vie individuelle, ça peut s'appliquer de façon collective. Comme par exemple, si on devait ouvrir une mosquée, on a un local petit, mais sûr. Ou alors on se dit, non, on attend de récolter plus, pour avoir un local plus grand, pas sûr qu'on récolte, pas sûr qu'on ait le local. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le sûr déjà, on prend ce qu'il y a, qui est le petit local. C'est juste un exemple comme ça. Donc à l'échelle de la Ummah, à l'échelle de l'individu, tout ça c'est quelque chose qu'on peut appliquer. Donc le verset suivant dit « Fa'idha ja'ati sakha » Donc, quand viendra As-Sakha. As-Sakha, ce qui est voulu ici, c'est le cri de, ou le, plutôt le souffle de la résurrection, le souffle dans la trompe. Pourquoi on l'a appelé As-Sakha ? Pourquoi est-ce qu'Allah l'a appelé As-Sakha ? لأنها تصخ أي تصم الأذان parce qu'elle assourdit les oreilles par sa puissance. C'est ça le sens de sakha. Le verbe sakha veut dire assourdir. C'est-à-dire que comme quand on entend un bruit énorme et que pendant un moment on n'entend plus tellement ce bruit il était énorme, même si on ne perd pas l'ouïe complètement. C'est ça le sens de sakha. Donc فإذا جاءت الصخة ça désigne le bruit immense qui annonce ou qui se produira à la résurrection. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Donc, quand viendra As-Sakha, et Allah détaille ce jour-là. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Le jour où l'homme, al-mar'u, c'est-à-dire l'individu, l'être humain, se sauvera de son frère, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, de sa mère et de son père, وَصَاحِبَتِهِ Wabani, de sa compagne, c'est-à-dire son épouse, Wabani, et de ses enfants. C'est-à-dire que ce jour-là, l'être humain ne voudra pas entendre parler de ses parents, il ne voudra pas entendre parler de ses frères, de ses enfants, ni de sa femme. Et s'il les voit, il se sauvera d'eux, il se détournera d'eux. Pourquoi ? De peur qu'ils lui demandent un haq, c'est-à-dire qu'il ait commis une injustice quelconque envers eux, et qu'ils leur doivent quelque chose. Ou de peur qu'il lui demande de faire quelque chose pour eux, alors qu'il sera trop occupé par sa propre personne et par son propre sort. Ça, c'est pour la majorité des êtres humains. Mais bien sûr, on sait que al-mu'minun, ceux qui ont la foi complète, qui ont concrétisé l'iman, ceux-là, ils seront en sécurité, ils seront rejoints par leur descendance, leurs épouses, etc. وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Dans la sourate Al-Dhariyat, Allah dit ceux qui ont eu la foi et dont la descendance les a suivis dans la foi, nous leur alhaqna bihim, c'est-à-dire nous ferons que leur descendance les rejoindra. Donc ceux-là, ils pourront rejoindre leurs épouses, leurs descendants. Et Allah également, dans un autre verset, Allah dit Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Les amis proches, Al-Akhila, c'est le pluriel de Khalil. Comme quand on dit qu'Ibrahim est le Khalil d'Allah. Les amis proches ce jour-là seront ennemis les uns des autres, sauf Al-Muttaqin. Donc, ça c'est vrai pour les kuffars ou pour ceux qui seront dépassés par leurs péchés. Mais le vrai mu'min, le mu'min complet, celui qui va rentrer au paradis directement, celui-là il n'aura pas ce genre de crainte. Parce qu'il sera ce jour-là amin, il sera en sécurité et ce jour-là va passer vite en ce qui le concerne. Donc ça peut concerner le musulman. Ça peut concerner le musulman, bien sûr. Hein. Le musulman de base, il peut être concerné par ça, bien entendu. Puisque ce n'est pas tous les musulmans qui auront l'âme complet au jour du jugement, qui auront aucun châtiment. Il y aura des musulmans qui vont passer par le châtiment, qui vont passer par l'enfer. Donc forcément, qui vont passer par tout ce qu'Allah nous a, par tout ce dont Allah nous a menacé dans le Coran. Sauf ce qui est vraiment destiné au kuffar, comme l'éternité en enfer, par exemple. لِكُلِّ مَرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Chacun d'entre eux aura ce jour-là une affaire qui le yurni, yani yakfi, une affaire qui lui suffira. شَأْنٌ, الشَّأْن, c'est une affaire, quelque chose qui préoccupe, donc une situation. Donc pourquoi est-ce que chacun va fuir ses parents, fuir son épouse, etc.? Parce qu'il a déjà une affaire qui l'occupe, c'est-à-dire son affaire personnelle. Et ça rappelle le hadith de Aïcha, radiallahu anha, à qui le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les hommes et les femmes seront ressuscités nus. Et Aïcha, radiallahu anha, elle s'est étonnée. Elle a dit, les hommes pourront voir les femmes et vice-versa. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu que Al-amru ashaddu min dhalik. La situation est bien pire que ça, c'est-à-dire que ça, la situation ne laisse pas à l'être humain le fait de penser à regarder à droite ou à gauche, tellement il sera préoccupé par son sort qu'il ne remarquera même pas la nudité des autres. لِكُلِّ مَرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. Ce jour-là, des visages seront musfira. En arabe, asfara, si on dit par exemple asfara al-fajr, c'est quand l'aube est bien apparue, c'est-à-dire quand il commence à faire clair au matin. On dit Asfara al-Fajr. Pourquoi le Musafir, le voyageur, il est appelé Musafir? Parce que Yusfir, c'est-à-dire il sort de sa ville. C'est comme s'il se mettait à nu en sortant dans le désert, dans la campagne. Ou alors parce qu'on dit As-Safar Yusfiru an akhlaq al-Rijal. Le voyage, il Yusfir, il fait apparaître la nature des hommes. Pourquoi je vous cite tout ça? C'est juste pour comprendre. Musfira. Donc, qu'est-ce qu'un visage musfir? C'est-à-dire resplendissant. Donc, avec couvert de clarté et resplendissant. C'est-à-dire sur lequel on ne voit pas la tristesse, on ne voit pas le souci. Wujuhun yawma'idhin musfira, dahikatun mustabshira. Dahika signifie ici mubtasima, c'est-à-dire souriant. Dahik en arabe, il s'applique pour le sourire. Et il s'applique également pour le rire. Le fait que quelqu'un sourit et laisse apparaître ses dents, en arabe on peut dire aussi employer le verbe dahika pour dire ça. Dahikatun mustabshira. Mustabshira, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il se réjouit de quelque chose qu'il attend. C'est-à-dire qu'ils auront compris que maintenant les attend la félicité, la récompense d'Allah, la miséricorde d'Allah. Wawujuhun yawma'idhin alayha rabara. Et des visages auront ce jour-là sur eux rabara. Al-rabara, c'est comme al-kudura ou al-rubar. Al-rubar, c'est la poussière. C'est-à-dire qu'ils seront recouverts comme s'ils étaient recouverts de poussière, comme s'ils étaient recouverts d'une saleté. Tarhaquha qatara. Tarhaquha, c'est bimana tarshaha. Les recouvrira qatara. Qatara, c'est comme rabara. Mais la différence entre les deux, c'est que rabara, les Arabes appellent rabara les poussières qui se lèvent au sol. Et ils appellent qatara les poussières qui sont au ciel. Dans les tempêtes de sable, par exemple, des fois, il peut y avoir des poussières qui couvrent carrément le ciel. On ne peut plus voir le bleu du ciel, on ne peut plus voir les nuages. Ça, c'est qatara. Donc, ces visages seront recouverts de poussière, recouverts de détresse, recouverts de volma, c'est-à-dire recouverts de ténèbres. Oulaika humul kafaratul fajara. Ceux-là sont al-kafara, les mécréants, al-fajara, les al-fajara, on peut traduire plus ou moins par les pécheurs. Mais ici, on observe que Allah les a qualifiés de deux choses. Kafara, fajara. Kafara min haythu l'i'tiqad, fajara min haythu l'amal. Du point de vue de leur croyance, ils sont kafara, un croyant, et du point de vue des œuvres, ils sont fajara, c'est-à-dire qu'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un y repose le mushaf, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, le cours de tafsir et le cours de fiqh, il est un peu plus court, parce que en fait, on devait juste compléter ce qu'on a entrepris la semaine dernière. Je ne vais pas entrer dans une autre sourate. Je préfère commencer un cours au début d'une sourate. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière? On avait fait Al-Haid, Al-Nifas. Maintenant, on va faire une Mouraja, ça ne va pas faire de mal. Alors, ça vient de quel mot, Al-Haid? En plus, vous prenez des notes, donc... Ça vient de Hada Yahidu, qui veut dire... Que veut dire le verbe Hada? Fada ou Sala, voilà, couler. Donc, c'est ainsi qu'on désigne les menstrues, les règles des femmes. On avait dit que le sang des menstrues, il peut avoir quatre couleurs. Quelles sont ces quatre couleurs? Facile également. Hein. Comment? Noir, rouge, jaunâtre. Voilà, un peu. Voilà. C'est ça. Al-Qadar, c'est-à-dire Al-Qudra, pas Al-Qudra, Al-Qudra avec un kaf, c'est-à-dire entre le blanc et le noir, comme de l'eau sale. Pourquoi on avait expliqué ces quatre couleurs? Parce que il y avait quelque chose. Pourquoi on a expliqué qu'il y a quatre couleurs? Voilà, ouais. Voilà, parce que on a expliqué, c'est pas seulement question de commencement et de fin, mais que si le sang il est noir ou rouge, c'est sûr que c'est le sang des règles. Par contre, quand il est jaunâtre ou entre guillemets, je sais pas comment on peut dire en français, le koudra, qu'est-ce qu'on avait dit? Si c'est pendant la période de règles et avant la fin des règles, c'est considéré comme des règles. Mais si c'est après la fin des règles, c'est plus considéré comme des règles. C'est-à-dire si après la fin de ces règles, la femme voit jaunâtre ou koudra, elle ne le considère plus comme ses règles. Elle ne doute pas, elle ne revient pas en arrière. Mais comment elle sait que ses règles sont finies? Deux choses. Pas à sa routine, à sa période de routine. C'est vrai que la période, elle joue, mais il faut un signe précis. Enfin, deux signes. L'un des deux. Alors là, les pertes blanches, comme on dit en arabe, Al-Qassatul Bayda. Qui c'est qui a parlé de Al-Qassatul Bayda? Qui c'est qui a dit La ya'janna hatta ya'rayna Al-Qassatul Bayda? Aïcha. Aïcha. Et l'autre signe, c'est voilà, Al-Jafaf ou Al-Jufuf. C'est-à-dire le fait qu'elle entre un coton dans son orifice, elle le laisse un peu, et quand elle le ressort, il n'y a rien du tout dessus. C'est Jaf. Donc ça veut dire que les règles sont terminées. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la durée minimum et maximum des règles? C'est quoi la durée minimum des règles? Un jour. Un jour et demi. J'ai pas dit ça. On avait dit une doufa, ça est les règles. C'est-à-dire même si ça sort une doufa, une coulée de sang, c'est des règles. Même moins d'un jour. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la période maximale? Non, ce qu'on avait dit ici, c'est qu'il n'y avait pas de période maximale. Même si la parole de la majorité des savants, la plus pertinente, dans ce qui a été dit, c'est 15. Mais on avait retenu comme avis, comme conclusion, qu'il n'y avait pas de... Parce que dans le Coran et dans la Sunna, effectivement, il n'y a pas de... le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des haïds, il a expliqué les règles de ces sujets-là, et pourtant, il n'a pas dit qu'elles étaient au maximum de 15 jours. Comme quoi, il faut écrire hein, quand on vient au cours, parce que sinon, là... qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que les règles empêchent de faire? 8 choses. Bon, les choses faciles, d'abord. Qu'est-ce qu'elle fait pas, une femme qui a ses règles? Elle fait pas la salade, elle ne jeûne pas, elle fait pas le tawaf, elle ne touche pas le mushaf, elle peut pas rester à la mosquée, elle peut pas avoir de rapport sexuel. On ne peut pas lui prononcer le talaq. On ne peut pas la répudier, femme qui a ses règles. Et également, la idda, on la compte avec les règles. Une femme qui a ses règles, elle compte la idda avec des règles. Sauf dans quel cas? Pardon? La femme enceinte, si son mari la répudie pendant sa grossesse, sa idda termine à l'accouchement. Donc les règles, elles n'ont rien à voir. Et quelle femme peut être réglée, comme on dit, et pourtant, les règles ne rentrent pas en compte dans sa idda? La veuve. Arba'at ashwarin wa ashara. La veuve, sa idda, elle est de 4 mois et 10 jours. Ça ne compte pas en règle. À part ces deux cas, la femme, sa idda, c'est en règle. C'est-à-dire, généralement, de 3 périodes de règles. Il y a des cas aussi où ça pourrait être une période. On verra ça si on arrive jusqu'à Kitab al-Nikah. Inch'Allah. Qu'est-ce que le cheikh a signalé qu'il est permis de faire avec la femme qui a ses règles? C'est quoi le hadith? Qu'est-ce qu'il disait le hadith? Souvenez avec le fait que les juifs ils mangeaient pas avec leur femme, ils la viraient de chez eux. Voilà, et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Isna'u kulla shay'in illa nikah. Faites toute chose, c'est-à-dire toute chose charnelle que vous voulez, sauf un nikah, c'est-à-dire la pénétration. Également, de quoi il avait parlé un petit peu? Bah, manger, boire avec elle. Ouais, donc, le fait qu'elle aille à la prière de l'Aïd, mais elle ne se met pas à l'endroit où les gens vont faire la salat, etc. Okay. Après, un nifas. Qu'est-ce que c'est que un nifas? C'est les louchis. Ouais, mais louchis. Le sang après les... Voilà, c'est les écoulements de sang qui succède à l'accouchement et qui aussi le précède de 1, 2 ou 3 jours. Quels sont les ahkam du nifas? Les mêmes que les règles. Voilà, les mêmes que les règles, en résumé. Et quelle est la période minimum du nifas? Minimum. 40 jours. Non, minimum. Minimum 40 jours, ça veut dire qu'elle peut durer 400 jours. Quand ça s'arrête de couler. Voilà, il n'y a pas de période minimum. Ça peut être un jour, deux jours, dix jours. Quand on dit ça peut, c'est pas scientifiquement, sans doute que scientifiquement il y a une période minimum, mais religieusement, voilà, il n'y a pas de période minimum. Et la période maximum, quelle est-elle? Là, c'est 40 jours. Là, c'est 40 jours. Qu'est-ce qu'on avait vu pour dire que c'est 40 jours? Le hadith de Umm Salama, radiallahu anha, qui disait qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la femme An-Nufasa, celle qui avait une nifas, elle n'arrêtait pas de prier plus de 40 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 40 jours, même si le sang continuait, elle faisait le rousse et elle priait. Bon, aujourd'hui, on doit voir Al-Matlabu Thalith, le troisième point dans le sujet des règles, c'est Al-Istihada. Al-Istihada, qu'est-ce que c'est? C'est, on pourrait le traduire par les hémorragies. C'est-à-dire ce sont des écoulements de sang qui sortent donc du vagin de la femme, mais qui ne sont pas les règles. Ce sont des hémorragies, donc c'est dû à des veines, c'est pas dû à l'utérus. Ça s'appelle al-istihada. À partir de quand on considère qu'une femme, elle est... Donc, une femme qui a l'istihada, on l'appelle mustahada. Tout ça, faut retenir. Hein. Les règles, c'est le haïd. Comment on dit une femme qui a ses règles? Haïd. Nifas, comment on dit la femme qui a ses règles? Le nifas? Nufasa ou... Et... Istihada, on dit mustahada. Là, on est dans le béaba du fiqh, hein, il n'y a rien de sorcier là. Alors, le shir commence en disant al-farqu bayna dami al-istihadati wal-hayd. La différence entre le sang des hémorragies et le sang des règles. Donc, il y a trois différences. Mais avant de le dire, je vais vous demander qu'est-ce que vous connaissez comme différence. Sachant que ici, dans la mosquée, j'en ai déjà parlé. La consistance. Ouais, c'est-à-dire. Le sang des règles, il est plus épais. Et le sang des hémorragies, bah, c'est le sang qu'on connaît. La couleur aussi. La couleur, le sang des règles, il peut être foncé, noirâtre, alors que le sang des hémorragies, bah, c'est le sang rouge qu'on connaît. Et également l'odeur. C'est-à-dire que les règles, elles peuvent provoquer des mauvaises odeurs, alors que les hémorragies ne provoquent pas d'odeur. Il faut savoir que, scientifiquement, c'est pas le sang des règles en lui-même, en fait, qui sent mauvais. Mais c'est plus quelque chose que les règles provoquent. Et le fait que la femme ne se lave pas tout de suite, c'est ça qui provoque les odeurs. Ensuite, Ahwal al-Mustahada. Donc là, il faut vous accrocher un petit peu. Même moi, il faut que je m'accroche parce que je n'ai pas relu avant de venir. Donc, Ahwal al-Mustahada. Ça veut dire que al-Mustahada a différents cas de figure. D'abord, avant d'expliquer les cas de figure de Mustahada, il faut expliquer. À partir de quand une femme se considère comme mustahada? Déjà. Elle se considère comme mustahada, selon ce que nous on a appris la semaine dernière, quand ses règles durent tout un mois. Pourquoi j'ai dit à partir de ce qu'on a vu la semaine dernière? Parce que nous on a dit que les règles n'ont pas de période maximale. Mais si elle voit que tout le mois passe et que le sang n'arrête pas, elle se considère comme mustahada, c'est-à-dire elle subit des hémorragies, elle n'est plus réglée parce que les règles ne peuvent pas durer tout un mois. Donc pourquoi j'ai dit par rapport à ce qu'on a vu? Parce que les ulama, les imams du fiqh, eh bien selon la durée maximale des règles qu'ils ont déterminée, ils vont dire que c'est quand la femme dépasse cette durée qu'elle est mustahada. Comprenez? Par exemple, Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, eux, ils disent que le maximum de la durée des règles, c'est 10 jours. Donc pour eux, quand est-ce que la femme est mustahada? Au 11e jour. Pour l'imam Malik, Shafi'i et Ahmed, la durée maximale des règles, les deux, dans ce qui est connu de leur part, bien sûr, c'est 15 jours. Donc quand est-ce qu'elle est mustahada? Au 16e jour. Je vous ai parlé du fait que Cheikh Ibn Baz, il appliquait les 15 jours, etc. Enfin, je ne veux pas trop vous chambouler, mais certains savants, ils expliquent que parfois, on peut avoir la théorie dans le fiqh et la pratique. La théorie, dans le sujet des règles, combien de temps durent les règles, effectivement, la théorie, quand on regarde la question, bien, beaucoup de fuqaha, ils vont nous dire, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est rapporté de l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, c'est rapporté de cette parole, que les règles n'ont pas de durée maximale. Pourquoi? Parce que on ne trouve rien dans le Coran qui nous dit que les règles, c'est maximum 10 jours, maximum 15 jours. Et les imams qui ont fixé 10 jours ou 15 jours, ils l'ont fait soit en récoltant les témoignages des femmes, soit en retirant ça de certains hadiths, en disant par exemple que le mois dure 30 jours, les règles elles peuvent pas être la majorité du mois, donc si elles peuvent pas être la majorité du mois, c'est qu'elles sont au maximum 15 jours, la moitié du mois. Vous comprenez ce genre de raisonnement? Le problème, comme certains savants expliquent, c'est que cette théorie-là qu'on dit, que la connaissance théorique qui est de dire que les règles n'ont pas de durée maximale, c'est ça qui est le plus pertinent quand on regarde les textes. Mais dans l'application, c'est très compliqué à appliquer. Pourquoi ? Parce qu'une femme, comment tu vas lui expliquer quand est-ce qu'elle est mustahada si tu ne lui fixes pas un jour maximal de règles ? Et également, il y a des femmes, par exemple, surtout maintenant avec tous les dérèglements qui existent à cause de la pollution, à cause des médicaments, etc. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir leurs règles 20 jours. Est-ce que vraiment tu vas lui dire que pendant 20 jours, elle ne fait pas la salat, son mari n'a pas de rapport avec elle? En fait, elle a une vie normale que pendant 10 jours. Et elle a une vie de croyante normale que 10 jours. C'est difficile à appliquer. C'est pourquoi certains savants, malgré qu'eux-mêmes ils reconnaissent que le fait de dire que les règles n'ont pas de période maximale, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. C'est ce qu'il y a de plus pertinent, pardon, que les règles n'ont pas de durée maximale. Eh bien, ils appliquent le fait que le maximum des jours de règles, c'est 15. Pourquoi ? Pour pas se casser, pour entre guillemets, pas se casser la tête. Dans le sens où, pour donner quelque chose de sûr que le musulman il peut appliquer. Parce que si tu dis à une femme, le maximum des règles, c'est 15 jours, là, il n'y a plus aucun problème. Après 15 jours, elle se considère en hémorragie, etc. Au moins, elle a ce qu'on appelle un babit. C'est un peu comme la question du voyage. Est-ce que le voyage, c'est 4 jours? Ou est-ce que, même 10 jours, je suis en voyage, même si je reste au même endroit, et je peux prier de la carte? Quand on regarde les textes, c'est quoi le plus pertinent? C'est qu'il n'y a pas de durée maximale, il n'y a pas de durée déterminée au voyage. Et il n'y a pas non plus de distance déterminée. Et pourtant, toujours le cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, lui-même, il était de cet avis. Mais quand il enseignait aux gens, il répondait aux gens, il disait, le voyage c'est 4 jours, 80 km. Pourquoi il disait ça aux gens? Parce que si tu dis aux gens, le voyage ça peut être même 15 jours, tant que t'es pas là, t'es en voyage. Le voyage c'est selon la coutume, ça peut être moins de 80 km. Si t'as pris des bagages, c'est un voyage. Les gens, ils vont pas forcément tous comprendre ça. Ils vont commencer à faire n'importe quoi. Et à jouer avec la religion. Donc le cheikh, rahimahullah, dans un premier temps dans sa vie, il disait, comme disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est pas que l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est l'avis de beaucoup des salafs, que le voyage, c'est, il n'y a pas de nombre de jours délimité et il n'y a pas de distance délimitée. Mais quand il a vu que dans la pratique, dire ça aux gens, ça causait du désordre et de l'incompréhension, alors il a réadopté l'avis de la majorité des fuqahas et il disait aux gens, 80 km, 4 jours. Et c'est vrai que pour celui qui répond à une question, eh bien, comme ça, il est sûr de lui. Et il donne quelque chose à celui qui pose la question qui est sûr, qui peut mettre en pratique de façon sûre. Il n'y a plus de doute. Je pars plus de 4 jours, je fais 4 rak'a. Je pars moins de 4 jours, je fais 2 rak'a. Il n'est pas là en train de se dire, ouais, mais est-ce que vraiment je suis en voyage ou je ne suis pas en voyage? Est-ce que dans la coutume du Nord-Pas-de-Calais, le nombre de kilomètres que j'ai fait, c'est un voyage ou c'est pas un voyage? 80 km, je dépasse, je suis en voyage. Je dépasse pas, c'est une balade, je fais 4 à la carte. Voilà parfois la sagesse que certains savants ils peuvent avoir. Et parfois, nous, quand on apprend, on va se dire bah, pourquoi il dit ça alors que cet avis n'est pas pertinent. Il peut ne pas être pertinent du point de vue des textes, mais du point de vue de la pratique, il est pertinent. C'est pourquoi si on retient en vérité que la période maximum des règles, c'est 15 jours, Alhamdulillah, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, en gros de la majorité des ulama du hadith, et on retient ça et c'est plus facile à mettre en pratique. Donc, quand est-ce que la femme est mustahada? Soit quand la majeure partie du mois, ou quand tout le mois, pardon, elle a des saignements, ou sinon, plus facile à retenir, après 15 jours. Au 16e jour, elle est mustahada. Donc la femme, je répète, hein, si l'un d'entre vous est en train de se dire, là tu nous as chamboulé, qu'est-ce que je retiens? Retiens le maximum des règles, c'est 15 jours. Comme pour le voyage, si je vous explique et à la fin vous ne comprenez rien, dis-toi c'est 4 jours et c'est 80 km. Si vous comprenez un peu, vous voyez dans ce qu'on a expliqué. Mais si on ne comprend rien, on revient à des choses avec des dawabit, c'est-à-dire des distances, des temps, etc., etc. Donc, la femme, quand elle est mustahaba, elle a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'elle connaisse ses périodes de règles. C'est-à-dire qu'elle sait quand commencent ses règles dans le mois lunaire, et elle sait combien de temps durent ses règles. Par exemple, elle sait que tous les mois, le 3 du mois, elle a ses règles pendant 5 jours. Donc, malgré qu'elle a du sang tout le temps, elle sait qu'à partir du 3 jusqu'au 8, ça c'est les règles. Donc elle arrête de prier. Et elle arrête de jeûner si c'est Ramadan et elle n'a plus de rapport avec son mari. Et le 8, à l'heure où habituellement ses règles s'arrêtent, elle fait le rousse et elle reprend sa vie normale. Donc elle a encore des hémorragies ou pas? Oui. Oui, justement, c'est juste pour ça que le problème se pose. On ne parle pas de celle qui n'a pas d'hémorragie. C'est-à-dire que le 8, le sang, il coule toujours. Donc, la première, c'est celle qu'on appelle al-mu'tada. Al-mu'tada, c'est celle qui a une aada. Al-aada, c'est l'habitude. Elle a une habitude au niveau de ses règles. Eh bien, elle respecte cette habitude. Deuxième cas, c'est celle qui n'a pas d'aada. Ses règles, elles sont muttariba, c'est-à-dire parfois ça vient 3, parfois ça vaut 10, ça vient 10, parfois ça dure 5 jours, parfois ça dure 8 jours. Donc elle n'a pas de aada. Et ça, c'est souvent le cas de l'adolescente, c'est-à-dire celle qui commence à avoir ses règles pendant, généralement, ça peut durer jusqu'à 3 ans, elle va être muttariba. Et ça peut être le cas aussi d'une femme qui a, en fait, quand elle a vécu quelque chose, soit émotivement, ou plutôt émotionnellement, je pense, ou alors à cause des médicaments, de la pilule, etc., ça peut contrarier ses habitudes. Donc elle peut ne pas avoir l'aada, mais elle a tamise. Que veut dire tamise en arabe? Distinction. La distinction. Donc elle n'est pas mu'tada, mais elle est mumayiza. Qu'est-ce que ça veut dire mumayiza? C'est-à-dire que quand elle regarde le sang, elle voit clairement la différence entre le sang des règles et le sang des hémorragies. Donc elle regarde le sang chaque jour. Par exemple, elle voit que aujourd'hui, elle a toujours des saignements. Mais elle voit qu'aujourd'hui, le 5, ces saignements, ils sont noirs. Ils sont épais et ils provoquent une odeur. Tant qu'ils sont de cette façon, elle se dit là, en ce moment, c'est mes règles. Elle arrête de prier, etc. Et puis, quand elle observe que les saignements ne sont plus de la sorte, mais sont toujours des saignements, entre guillemets, normaux, comme quand on saigne du nez, alors elle fait le rousse et elle recommence la salat. Donc elle n'a pas d'habitude, alors elle revient à tamiz. Le troisième cas de figure, c'est celle qui n'a ni ada ni tamiz. Elle n'a pas d'habitude et elle ne peut pas non plus différencier le sang. Comment on peut imaginer qu'elle ne puisse pas différencier le sang? Si c'est le sang de ses règles, il ressemble fortement aux hémorragies. Il est rouge, etc. Donc elle n'arrive pas à faire la différence entre ses hémorragies et ses règles, même en regardant. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en pratique un hadith dans lequel une femme qui s'appelait Hamna bint Jahsh, radiallahu anha, pour la parenthèse, c'était la belle-sœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sœur de Zaynab bint Jahsh, radiallahu anha. Elle souffrait de ça, des hémorragies, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit tahayyadi, c'est-à-dire fais comme si tu avais ces règles, fi ilmillah. En fait, ici, fi ilmillah, c'est comme s'il disait, et c'est Allah qui sait. En fait, toi, tu ne sais pas. Mais fais comme si tu avais tes règles. Sittata ayyam aw sab'ata ayyam. 6 jours ou 7 jours. Kama tahirdun nisa. Il lui a dit, comme les règles des femmes. Et les fuqaha précisent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 6 ou 7 jours. Mais comment elle choisit 6 ou 7? Pourquoi il ne lui a pas dit soit 6, soit 7? Il a dit 6 ou 7. Parce que généralement, les femmes, c'est 6 ou 7. En fait, ils disent, elle va regarder ses proches, ses sœurs, sa mère, etc. Si la plupart, elles sont de 6 jours, elle prend 6. Si la plupart, c'est 7 ou plus, elle prend 7. Donc, à un moment du mois, elle va faire comme si elle avait ses règles, pendant 6 ou 7 jours. Puis, au bout du 6e et 7e jour, elle fait le rousse et elle recommence sa vie normale. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc bien sûr, tout ça c'est basé sur des hadiths, mais les hadiths ils sont nombreux. à ce sujet. Je vais vous citer le premier avec Fatima bint Abi Hubaysh radiallahu anha. Ça c'est dans le Bukhari Muslim, qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses hémorragies. Donc il lui a dit litanzur uddat al ou plutôt litanzur iddat al layali wal ayyam allati kanat tahiduhunna min ash-shahr qabla an yusibaha alladhi asabaha. Il a dit qu'elle regarde combien de temps elle avait et quand elle avait, c'est-à-dire combien de jours et de nuits elle avait ses règles dans le mois avant de subir ce qu'elle subit. Et alors, il a dit فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ. Et donc qu'elle arrête de prier قَدْرَ ذَلِكَ pendant ce nombre de jours, le nombre de jours habituel. فَإِذَا خَلَّفْتِ ذَلِكَ ou plutôt فَإِذَا خَلَّفَتْ il parle d'elle. فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَنْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّ فِيهِ. Il a dit ensuite, quand ceci est derrière elle, c'est-à-dire quand cette période elle la laisse derrière elle, il a dit alors qu'elle fasse le rousse et qu'elle se protège avec un tissu. Pour la parenthèse, quand vous lisez ثَوْب dans les hadiths, il ne faut pas traduire par vêtement, c'est une erreur. Ça c'est dans le langage moderne. En arabe, comme maintenant dans les pays arabes, quand vous dites thawb, qu'est-ce qu'on comprend? Thiyab, c'est les vêtements. À l'époque, thawb, c'est une étoffe. Donc thawb peut vouloir dire vêtements dans les hadiths, quand ils le mettaient sur eux, mais parfois ça peut vouloir dire un carré de tissu, comme ici. Quand il lui a dit qu'elle se protège avec un thawb, sous-entendu, un morceau de tissu qu'elle va mettre contre ses parties intimes pour protéger ses vêtements du sang. Et qu'elle fasse la salah. Donc ça indique le premier cas de figure. Donc le deuxième cas de figure, c'est les fuqaha qui l'ont déduit. Il y a un hadith qui le deuxième cas de figure, c'est celle qui distingue. Il y a un hadith qui en parle, mais il est da'if. Et le troisième cas, celle qui n'a pas d'habitude et qui ne peut pas distinguer, ça c'est le hadith de Hamna bint Jahsh, radiallahu anha. À qui le prophète a dit إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ. Il lui a dit ça c'est un coup que te met le shaitan, c'est-à-dire c'est une hémorragie que le shaitan a provoquée. Est-ce que ça veut dire que pour toutes les femmes c'est le shaitan qui le provoque? Là il parle de son cas à elle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le généraliser. C'est pas à chaque fois qu'une femme a une hémorragie on va dire que ça va être shaitan, parce que là il s'est adressé à elle, c'est-à-dire en ce qui la concerne elle. Le prophète a su, sallallahu alayhi wa sallam, que cette hémorragie venait d'un coup que le shaitan lui a mis. Fatahayyadi, tahayyadi, c'est-à-dire fais comme si tu avais le hayd. Sittata ayyamin aw sab'ata ayyam fi ilmillah, thumma ightasili. Ensuite fais le ghusl au bout des 6 ou 7 jours. Hatta idha ra'ayti annaki qad tahurti wastanqa'ti fa salli 23 laylatan aw 24 laylatan wa ayyamaha. Donc il lui a dit, fais comme si tu avais tes règles pendant 6 ou 7 jours, fais le rousse, et ensuite fais la salade et jeûne pendant 23 ou 24 jours, selon qu'elle ait fait 6 ou 7 jours de règles. Ensuite, quatrième point, ahkam ou l'istihada. Il ne faut pas qu'on tarde trop non plus là. Je sens que je suis en train de tarder sur ça, alors que ça devait aller vite. Ahkam ou l'istihada, quelles sont les règles des hémorragies continuelles? Alors, la femme qui est mustahada, est-ce qu'elle est tahir ou pas? Ou junub? Elle est tahira. On dit plutôt tahira, pas tahir. Tahir pour un homme. Par contre, junub, comment on dit pour une femme? Junub, on l'avait vu. Elle n'est pas junub, elle est tahira. Donc en fait, elle agit comme une femme qui est tahira, à l'exception de quelques points que le cheikh a cités ici. Donc premièrement, il dit elle ne doit faire le rousl que à la fin de ses règles, selon ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire ses règles, soit selon son habitude, soit selon la distinction, soit elle choisit 6 ou 7 jours dans le mois. Mais elle fait le wudu pour chaque salah. C'est-à-dire que, admettons qu'elle ait fait le wudu pour dhuhr. Elle a prié le dhuhr. Jusqu'au asar, elle n'a pas fait quelque chose de nawaqid al-wudu. Elle n'a pas eu un gaz, elle n'a pas été aux toilettes, elle n'a pas dormi, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a qui annule ses ablutions? le sang. Donc elle refait l'ourdeau pour l'asar. Même si elle n'a pas perdu l'ourdeau avec autre chose. Par contre, quand elle va faire l'ourdeau pour l'asar, quand elle fait l'ourdeau, ce qui lui est demandé, c'est de, avant de faire l'ourdeau, de nettoyer son sang, qui a touché ses parties intimes. Si le sang il a touché ses vêtements, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les enlève, ou alors elle les lave et elle les remet. Mais elle ne prie pas avec le sang. On a vu que le sang, sans divergence entre les fuqaha, à part les zahiriyas, mais on ne compte pas les zahiriyas, le sang c'est une najasa. Donc, elle ne peut pas prier avec du sang sur elle. Donc s'il y a du sang sur son vêtement, elle l'enlève. Donc elle nettoie ses parties intimes, elle nettoie, par exemple, s'il y a du sang sur ses cuisses, etc., sur son corps. Si elle veut nettoyer son vêtement et le remettre, en tout cas, elle se purifie du sang. Plus, ça, à la limite, c'est comme n'importe qui prie et qui a une najasa sur lui. Plus, elle doit faire en sorte que le sang ne coule pas. C'est-à-dire, elle met un coton qui va empêcher le sang de sortir et protéger ses sous-vêtements d'être touchés par l'impureté. Un coton et même, comme on l'a vu, un tissu sur ses parties intimes qui va empêcher le sang de toucher ses sous-vêtements, sa robe, etc., et de se répandre. Ensuite, elle fait l'ourdeau. Quand elle fait l'ourdeau, est-ce que ça veut dire que le sang il va s'arrêter de couler parce qu'elle a fait l'ourdeau ? Non. Donc l'ourdeau, en vérité, elle le perd à la base. Mais comme c'est quelque chose qui est continu, elle ne le prend pas en compte. Donc quand elle fait l'ourdeau pour une salah, elle peut faire toutes les nawafil qu'elle veut, les rawatib notamment. Par exemple, elle peut faire deux fois deux raka avant de voir. Ensuite, elle peut faire al-dhuhr, et ensuite, elle peut faire les nawafil qui sont après la salah. Tout ça avec un seul wudu, sachant que le sang a coulé. C'est-à-dire qu'en temps normal, on aurait considéré qu'elle perd le wudu. Mais comme c'est continu, ce naqid, il ne compte pas. Mais quand est-ce qu'il va compter ? Il va compter pour la prière d'après. Puisque comme le temps est passé, là, on lui demande de refaire la salah. Donc en fait, pour résumer, elle fait le wudu pour chaque prière. Mais elle le fait qu'une fois pour toutes ses prières, surérogatoires, obligatoires, elle peut réciter le Coran, ou plutôt toucher le Coran avec ces ablutions-là, etc. Donc dans un hadith, dans le hadith de Fatima, il lui a dit « ثُمَّ تَوَضَّعِ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِئَ ذَلِكَ الْوَقْتِ » qui était mustahada, il lui a dit « Fais l'ablution à l'heure de chaque salat. » Ça c'est dans le Bukhari muslim. Donc ensuite, ce que le cheikh dit ici, je vous l'ai expliqué, tout ça s'est tiré de pas mal de hadiths. Il y avait pas mal de femmes qui subissaient ça à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi il y a différents hadiths qui parlent de ça. Ensuite également, elle peut faire al-jam'u suri, mais ça c'est pas obligatoire. En fait, dans le hadith de Hamna, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a proposé quelque chose, mais il lui a pas obligé. Il lui a dit فَإِنْ قَوِيْتِ si tu es assez forte pour, c'est-à-dire que si elle ne le veut pas, elle n'est pas obligée de le faire. Et c'est quoi cette chose qu'il lui a proposé ? C'est de faire un jam'a suri avec trois roussels dans la journée. Donc il y a une machaqa, c'est quelque chose de difficile, mais ce n'est pas obligé. C'est-à-dire que ce qui est obligé, comme on a dit, c'est qu'elle fait l'ourdeau pour chaque horaire de prière, c'est tout. Et à la fin de des règles, elle fait le roussel. Mais il lui est recommandé, par précaution, parce qu'il y a toujours un risque que l'hémorragie, en vérité, ce soit les règles, et qu'elle ait pris ça pour des hémorragies, qu'elle soit encore dans ses règles, il y a toujours un risque qu'elle se trompe. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a conseillé de faire le roussel avant de prier le fajr, ensuite de retarder la prière de dhuhr vers la fin de son horaire, de faire le roussel avant. C'est-à-dire qu'à la fin de l'heure du dhuhr, elle fait le roussel, elle prie le dhuhr à l'heure, elle attend un peu, le asr entre et elle prie le asr tout de suite. Ça, on appelle ça un jam' suri. C'est pas un vrai jam', parce que le vrai jam', c'est quand tu fais le dhuhr et le asr ensemble dans l'heure du dhuhr ou dans l'heure du asr, comme peut faire un malade ou comme peut faire un voyageur. Elle fait un jam' suri, c'est un jam' de forme seulement, ça ressemble au jam'. C'est-à-dire qu'elle fait le roussel, elle fait le dhuhr à la fin de son heure et l'asr au début de son heure. Et elle fait pareil pour le maghrib et l'aïcha. Elle fait le roussel, elle fait le maghrib vers la fin de l'heure et l'aïcha tout de suite. Ça, c'est une précaution. Au cas où, en vérité, elle avait ses règles. Au moins, elle aura fait un roussel. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc elle peut faire ça, mais ce n'est pas C'est pas quelque chose d'obligatoire. Le point suivant, on a terminé avec tout ce qui est le sang des femmes. Le shir, il a rajouté un point ici, qui est ahkam ou salas. Qu'est-ce que c'est salas? Salas, c'est celui qui subit un aqid, quelque chose qui annule l'ourdo, de façon continue. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est soit les gaz, il y a des gens qui ont des problèmes d'intestin. J'ai même connu quelqu'un qui s'était fait renverser par une voiture. Suite à ça, il avait ça. Parce que la voiture, elle avait tamponné dans le ventre. Donc il avait des gaz constamment. Donc lui, s'il fait l'ourdo pour voir, deux minutes après, il n'y a plus l'ourdo. Donc comment il fait? Ben, il fait comme Mustahaba. Donc ça peut être les gaz ou ça peut être l'urine aussi. Tout simplement, celui qui a atteint de salas, eh bien, il agit comme al-mustahaba. Par exemple, celui qui a des pertes urinaires constantes. Il ne peut pas faire une salah sans qu'il ait des pertes urinaires. Eh bien, il fait comme al-mustahaba. C'est-à-dire qu'il fait l'oudo quand il veut faire la prière. Et avant ça, si par exemple il avait mis une serviette, ou alors par exemple il a un sous-vêtement, ce sous-vêtement il le consacre à, en dehors de la salah. C'est-à-dire celui-là, tant pis, il prend l'urine. Ben, ce vêtement-là qui est touché par l'urine ou la serviette, il l'enlève. Il ne prie pas avec. Pour prier avec, il n'est pas excusé. Ça, il faut bien le comprendre. Il ne se dit pas, ben, moi j'ai salas bowl, je prie dans mon sous-vêtement qui est rempli d'urine. Non, il l'enlève. Il nettoie son impureté de ses parties intimes ou autres. Il met quelque chose comme une serviette. Ensuite, il met son sous-vêtement. Donc, il met quelque chose qui va empêcher l'urine de se répandre. Il fait l'ourdo. Et une fois qu'il a fait l'ourdo, il ne fait plus attention au fait que l'urine, elle coule. On lui demandera de faire l'ourdo que ben, s'il a dormi, s'il a uriné, s'il a eu un gaz. Ou si l'horaire de la prochaine suivante, de la prière suivante, est entré. Mais pour cette prière-là, tant qu'il ne perd pas l'ourdo avec autre chose, l'urine ne lui fait pas perdre l'ourdo. Il peut faire toutes les nawafil et la prière obligatoire, d'autres nawafil et toucher le mushaf. C'est compris ? Ça peut être aussi le mavi. C'est vrai que ça peut être également le mavi. Parfois, une personne, elle peut avoir le mavi à un point où ça ne s'arrête jamais. Par contre, également, on peut préciser, le cheikh ne l'a pas fait ici, que si il sait que ces pertes d'urine, elles sont... C'est-à-dire, il connaît cette habitude. Et il sait que les pertes d'urine, par exemple, quand il les a, elles durent une heure. Ben là, logiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas pendant les pertes d'urine. Il sait que, par exemple, ça dure une heure et qu'il sait que vers 15-16 heures, il va en être débarrassé. Or, le rassemble n'est qu'à 18 heures. Ben là, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la fin des pertes urinaires pour prier comme tout le monde, en état de pureté. Il n'est pas excusé à ce moment-là de prier avec les pertes urinaires. S'il sait que ce hadath, il a des moments d'interruption. Bon, on a, alhamdoulilah, on a terminé Kitab al-Tahara. Donc la semaine prochaine, on va entamer Kitab al-Salah. Donc on va prendre ça, Inch'Allah. Mais vous lâchez pas votre livre. Votre livre bleu, vous continuez à jeter un œil dedans. D'accord? En fait, il n'est pas assez détaillé, donc je préfère vous prendre ça. Alors, maintenant, on termine avec les hadiths. بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء في فضل الصمت لمريد دو سيلانس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم لاشخي كوريو دفوار ceux qui lisent Boulour al-Maram, là en arabe, qu'est-ce que vous avez compris? Quand il dit Akhrajahu al-Bayhaqi fi shu'ab, c'est un peu à ça que je vous sers, c'est pour vous expliquer tout ça. Bisanadin da'if wa sahaha annahu mawquf. C'est pas compliqué, alhamdoulilah, il faut juste que quelqu'un vous explique. C'est de la terminologie du hadith. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il dit? An Anas. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le silence est sagesse. Sagesse au pluriel. Hikam. Wa qalilun fa'ilu. Mais peu de gens le font. Donc, le hadith, on va l'expliquer après. Là, on s'intéresse au tahrij. Le tahrij, ça veut dire d'où il sort le hadith et quel est le jugement de ce hadith. Est-ce qu'il est sahih ou pas? Donc, il dit, akhrajahu al-bayhaqi. il est rapporté par Al-Bayhaqi. Donc Al-Bayhaqi, c'est un des imams du hadith. Mais Al-Bayhaqi, c'est pas comme, par exemple, Al-Bukhari, Abu Daoud. Il est venu après. Al-Bayhaqi, c'est dans les années 400. Donc c'est bien après les générations comme Tirmidhi, etc. Fi-Shu'ab, il a rapporté ça dans Al-Shu'ab. Al-Shu'ab, en fait, c'est un livre que l'imam Al-Bayhaqi a écrit qui s'appelle Shu'abul Iman. Donc généralement, quand on dit rapporté par Al-Bayhaqi, on entend par là son livre As-Sunanul Kubra. Al-Bayhaqi, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunanul Kubra, dans lequel il y a plus de 20 000 hadiths. C'est énorme. Al-Bukhari, sans les répétitions, c'est 2000 et quelques. Al-Muwatta, si on enlève les paroles des sahaba, c'est 600. Abu Daoud, c'est 4 ou 5 000 hadiths. Lui, c'est 20 000 hadiths. Al-Bayhaqi. Hadith et également les paroles des sahaba. Le livre Sunan al-Kubra de Al-Bayhaqi, c'est une des sources principales dans lesquelles on va trouver les fatawas et les paroles des sahaba. Et les autres, c'est quoi les autres livres références pour trouver les fatawas des sahaba? Surtout, on va dire, c'est Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, qui lui est de la génération des anciens, et Al-Musannaf, le même nom de Abd al-Razzaq al-San'ani, chez un des shuyukh de l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc là, le Bayhaqi, c'est pas rapporté dans Sunan al-Kubra, c'est rapporté dans Shu'abul Iman. Shu'abul Iman, c'est un livre de hadith de l'imam al-Bayhaqi, mais qui ne tourne qu'autour du sujet de l'Iman. Al-Bayhaqi, il a écrit énormément de livres. Il a aussi un livre qui s'appelle Dala'ilun Nubuwa, les preuves de la prophétie. Et c'est un livre de hadith également. Bisanadin Da'if, avec un sanad, il l'a rapporté avec un sanad. C'est quoi le sanad? La chaîne de transmission, qui est composée d'individus. Donc, Foulen, An Foulen, An Foulen, tous ces Foulen, là, on appelle ça le Sanad ou l'Isnad. Donc, avec un Sanad qui est Da'if. Qu'est-ce qu'on appelle Da'if dans les sciences du Hadith? C'est qui n'est pas authentique. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par pas authentique? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le hukm du Da'if, c'est que tu ne peux pas dire Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. On pense à 80, plus de 80%, ça dépend du da'if que c'est, que le prophète ne l'a pas dit. En gros, c'est ça quand on dit un hadith da'if. On ne peut pas jurer que le prophète ne l'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un rapporteur même da'if, il se peut que pour cette fois, il avait raison. Mais Allah nous a demandé de juger selon les apparences. Donc s'il est da'if, son hadith il est da'if, donc on ne l'attribue pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le da'if, il a plein de catégories dans les sciences du hadith. Wa sahaha. Sahaha, c'est-à-dire, et il a jugé sahih, c'est-à-dire, il a estimé, annahu mawquf, qu'il est mawquf. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un hadith? Qu'est-ce qu'on veut dire un hadith quand on dit qu'il est mawquf? En fait, c'est que c'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole de. Alors, ça dépend justement de qui on parle. On va dire, par exemple, mawquf ala. Abi Huraira. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Huraira. Ou Mawquf ala, ça peut être un tabi'i. Mawquf ala al-Hassan al-Basri. C'est-à-dire qu'on a un hadith, certains rapporteurs ils disent Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres ils disent pas Qala Rasulullah, ils disent Qala al-Hassan al-Basri. Et on se rend compte que le vrai dans les deux, c'est que c'est le Hassan qui a dit ça, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va dire Mawquf ala al-Hassan. C'est-à-dire, c'est comme si on disait il s'arrête à Hassan, le hadith. Il ne continue pas plus haut. Donc là, carrément, il a dit Mawquf min qawli Luqman al-Hakim. Il est Mawquf à Luqman. Luqman qui est cité dans le Coran. C'est-à-dire que ce hadith, en vérité, ce n'est pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole rapportée de Luqman. Luqman al-Hakim, qu'Allah a cité dans le Coran. Donc est-ce qu'on peut jurer que Luqman l'a dit? Qui le rapport de Luqman, c'est Anas ibn Malik. Est-ce qu'Anas ibn Malik, il a rencontré Luqman? Il ne l'a pas rencontré. Donc, ce genre de paroles, on les prend, on peut les citer, mais ce n'est pas comme un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Sahih al-Bukhari. C'est simplement des traditions orales qui viennent des gens du livre, et que parfois, également, certains sahaba en avaient hérité, et elles étaient bonnes du point de vue du sens, donc les sahaba, ils les transmettaient, ils les répétaient. Donc, en fait, c'est Anas ibn Malik qui dit que Luqman a dit, As-samtu hikam wa qalilun fa'ilun. le silence est sagesse. As-samt, ça signifie le fait de se taire et de ne pas dire le faux. C'est plus précis que as-sukut. Sukut, c'est se taire. As-samt, c'est le fait, c'est plus sage. Ça a une connotation plus sage. C'est le fait de garder le silence, mais par sagesse. C'est-à-dire de ne pas dire n'importe quoi, de savoir garder le silence par sagesse. As-samt ou hikam. Il a dit le silence et sagesse, sagesse au pluriel. Al-hikma en arabe, à la base, le mot hikma, il veut dire quelque chose qui te retient. Donc le cheikh l'a cité ici, il dit que, donc il dit hikamun bi kasri al-ha, etc. Jamu hikma. Ensuite, il a expliqué, wal hikmatu mushtaqatun min al-hakama. Il dit le mot hikma, qu'on traduit par sagesse, ça vient d'un autre mot, qui est al-hakamatu, qui désigne les liens qui tiennent le chameau et par lesquels on empêche le chameau de se rebeller, etc. Donc pourquoi la sagesse a été appelée hikma? Parce que c'est elle qui retient l'être humain de dire ou de faire n'importe quoi. Voilà la base du mot hikma qu'on traduit par sagesse. Donc on pourrait le traduire aussi par la raison. Donc le silence est sagesse au pluriel. Pourquoi? Parce que bien, le silence, il te retient de dire beaucoup de choses que tu aurais à regretter. Il te retient de mentir, il te retient de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Il te retient de médire, etc. Donc c'est pourquoi le silence est sagesse au pluriel, parce qu'il a beaucoup de bénéfices, beaucoup de sagesse. Et une des grandes sagesses du silence, c'est d'éviter de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Sachant qu'il est rapporté que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Min husni islami mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. » Il relève de la qualité, la beauté de l'islam d'un individu, qu'il délaisse ce qu'il ne concerne pas. Également, il existe des hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge du silence. Al-muslimu, man salim al-muslimu, na min lisanihi wa yadihi, par exemple. Ou par exemple le hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc, le cheikh, l'auteur Ibn Hajar, en fait, a cité ce hadith ici simplement pour nous montrer que parmi les qualités du musulman, il y a le fait de savoir garder le silence. Ensuite, il dit « Babu al-Rahabi min masawi al-akhlaq » Chapitre sur al-Rahab, bimana tarhib. C'est comme s'il disait « Mise en garde contre les mauvais caractères, l'akhlaq, les mauvaises conduites, les mauvaises façons de se conduire, les mauvais comportements, les mauvais caractères. » Donc comme il a cité des hadiths qui parlent des caractères qui sont encouragés et qu'on doit adopter, eh bien maintenant il fait un chapitre sur les caractères qu'on doit éviter et les comportements qu'on doit éviter. Et il a cité dans l'explication Abdullah al-Fawzan une parole de Abd al-Rahman ibn Mahdi rahimahullah qui disait لِيَتَّقِ الرَّجُلُ دَنَاءَةَ الْأَخْلَاقِ كَمَا يَتَّقِ الْحَرَامِ. L'individu doit éviter les comportements vils comme il évite le haram. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se concentrer sur, par exemple, l'interdiction de zina, mais il doit prendre tout ce qui est interdit. Et dans ce qui est interdit, il y a aussi les mauvais comportements. Parce que les mauvais comportements, ils peuvent entacher et baisser fortement la foi et la valeur d'un individu. Donc, التحذير من الحسد. Premièrement, التحذير, la mise en garde contre الحسد, la jalousie. Qu'est-ce qu'on entend par الحسد? Donc, dans les petits titres là que je cite, ils ne sont pas d'Ibn Hajar. C'est Abdullah al-Fawzan qui les rajoute avant chaque hadith, pour vous montrer de quoi va parler le hadith. Al-Hasad, il l'a expliqué ici en disant huwa tamanni zawali ni'mati 'an al-mahsud. C'est le fait de souhaiter la disparition d'un bienfait chez celui que tu envies. Sawa'un ahsalat lahu aw lam tahsul. Que ce bienfait lui soit arrivé ou pas. C'est-à-dire qu'une personne elle a un bienfait, t'aimerais bien qu'il perde ce bienfait. Ou il l'a pas encore, t'aimerais bien que ça ne lui arrive pas. Que ce soit un bienfait d'un point de vue religieux, comme le fait de connaître le Coran par cœur, le fait de prier la nuit, le fait de connaître dans la religion, ou un bienfait d'ordre terrestre, comme avoir de l'argent, avoir des enfants, avoir la santé, et ainsi de suite. Ibn Taymiyyah, lui, rahimahullah, il donnait une autre définition de l'hasad. Il disait huwa al-bughdu wal-karahatu lima yarahu min husni hali al-mahsoud. C'est le fait de ressentir de la haine et de la rage parce que tu vois quelqu'un qui est dans une bonne situation, qui a un bienfait. C'est pas forcément le fait que tu veux qu'il perde ce bienfait. C'est déjà le fait que ça te plaise pas. Lui, il est riche, ça te dégoûte, ça te plaît pas, etc. Tu l'envies pour sa richesse. Donc ici, il a cité un hadith bien connu. Il dit an Abi Hurayra radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal hasad. Iyyakum, c'est une façon de mettre en garde. Iyyakum wal hasad, c'est-à-dire prenez garde à la jalousie. Fa inna al hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab. Car la jalousie mange les hasanat comme le feu mange le bois. Akhrajahu Abu Daoud, rapporté par Abu Daoud, wa ibn Majah min hadith Anas nahwuhu. Et Ibn Majah a rapporté un hadith semblable mais de Anas. C'est-à-dire le premier c'est un hadith d'Abu Huraira, le deuxième c'est un hadith de Anas. L'imam al-Bukhari disait au sujet de ce hadith la yasih. C'est pas un hadith authentique ce hadith. Mais le fait que Ibn Hajar l'ait cité ici, il nous ouvre la porte à parler du sujet de l'hasad. Mais le hadith en lui-même, il n'est pas, l'imam al-Bukhari l'a jugé comme étant, en disant, la yasih, il n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? Notamment, c'est parce que certains de ses rapporteurs sont faibles et d'autres sont inconnus. Et donc, si des rapporteurs sont inconnus dans une chaîne de transmission, le hadith ne peut pas être accepté. Donc, al-hasad, Allah l'a blâmé dans différents versets du Coran. Et il l'a attribué tantôt aux gens du livre, tantôt aux munafiqi. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Beaucoup parmi les gens du livre aimeraient vous faire revenir mécréants après votre foi hasadan, par jalousie, min 'indi anfusihim. C'est-à-dire que certains des gens du livre, par jalousie envers les musulmans et parce qu'ils connaissent la vérité, ils aimeraient que les musulmans reviennent en arrière et sortent de leur religion. Qu'est-ce qui les pousse à ça? C'est simplement le hasad. C'est-à-dire qu'ils sont jaloux du bienfait dont jouit cette communauté et dont jouissent les musulmans. Dans un autre verset, Allah dit « Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih » Sont-ils jaloux envers les gens pour le bien qu'Allah leur donne? C'est-à-dire le fadl, pour la grâce qu'Allah leur donne. Dans un hadith également rapporté par Muslim, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la tahasadu, ne soyez pas jaloux, ne vous enviez pas les uns les autres. Donc si on jalouse quelqu'un dans le sens où on aimerait bien être comme lui, mais c'est-à-dire il n'y a pas de négatif dedans. Par exemple, quelqu'un il est riche. Et moi j'aimerais bien être riche comme lui, moi j'ai rien contre lui, ça ne me dérange pas qu'il soit riche, je veux pas qu'il devienne pauvre, mais j'aimerais bien être comme lui. Pourquoi? Parce que si j'étais riche, je pourrais faire telle bonne chose, telle bonne chose, telle bonne chose. Ça c'est pas interdit. Mais, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hasada illa fithnatayn, il n'y a de hasad que dans deux cas. C'est-à-dire le hasad qui doit passer par l'esprit du muslim, c'est dans les choses qui sont bénéfiques dans l'au-delà. Et il a dit donc, c'est celui qui a appris le Coran et qui le récite jour et nuit. Et l'autre, c'est celui qui a de la richesse et qui la dépense, fils abilillah. Que veut dire ce hadith? C'est que le muslim, il ne doit pas envier les gens pour les choses basses, pour les choses d'ici-bas. Ce n'est pas interdit, mais sa himma, c'est-à-dire son ambition, elle ne doit pas se tourner vers ça. Normalement, il jalouse les gens qui connaissent le Coran, qui prient la nuit, qui ont appris l'ilm, qui dépensent, fils abilillah, etc. Donc c'est pas le simple fait d'envier qui est haram, c'est ça qu'il faut comprendre. Envier quelqu'un parce qu'il a tel bienfait, mais c'est-à-dire que t'as rien contre lui, tu veux pas qu'il perde ce bienfait, t'es pas contre le fait qu'il jouisse de ce bienfait, c'est juste que toi t'aimerais bien être comme ça. Ça c'est pas le hasad qui fait partie des grands péchés. Ensuite il a cité une parole ici de... on peut citer différentes citations qu'il a faites. Par exemple, il citait une parole de Muawiyah, radiallahu anhu, qui a dit « Kullu nasi aqdiru ala ridahu illa hasidu ni'ma fa innahu la yurdihi illa zawaluha. » Muawiyah disait, radiallahu anhu, « Tous les gens, je peux les satisfaire. sauf celui qui est jaloux pour un bienfait, parce qu'il n'y a que la disparition de ce bienfait qui le satisfait. Ensuite, il a cité une parole d'Ibn Taymiyyah également, qui dit, Rahimahullah, لِكُلِّ نِعْمَةٍ حَاسِدٌ عَلَىٰ قَدْرِهَا دَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ وَلَيْسَ لِلْمَحْسُودِ أَسْلَمُ مِنْ إِخْفَاءِ نِعْمَتِهِ عَنِ الْحَاسِدِ وَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. Il dit, tout bienfait, qu'il soit grand ou petit, il y a quelqu'un pour en être jaloux. Et il dit, la meilleure façon de se protéger, c'est de cacher son bienfait. Bien sûr, ça, il ne faut pas le prendre comme une règle générale. Parce qu'au-dessus de la parole d'Ibn Taymiyyah, il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'Allah aime qu'on voit ses bienfaits sur l'individu. Il a dit ça à un sahabi qui était négligé, on va dire, et il lui a dit, qu'est-ce que tu possèdes? Il lui a dit, je possède telle chose. Donc il avait beaucoup de choses, des chameaux, etc. etc. Et là, il lui a dit, Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. C'est ma'na al-hadith. C'est-à-dire, Allah aime qu'on voit les traces de ses bienfaits sur son serviteur. C'est-à-dire que s'il est riche, Allah aime que ça se voit. C'est-à-dire qu'il mette des vêtements de qualité, etc. Qu'il n'ait pas l'apparence de quelqu'un de pauvre alors qu'il est riche. Donc, Ikhfa ou Ni'ma dont parle Ibn Taymiyyah, ce n'est pas de faire la radin alors que tu es riche. Ou de cacher, de tomber dans la psychose. Ou de faire exprès de s'acheter une Renault 21 alors que tu peux t'acheter un Porsche Cayenne. Ce n'est pas ça qu'il veut dire ici. Mais c'est de cacher les bienfaits vis-à-vis des envieux selon les possibilités. Et il parle de Yaqub, quand il a dit à son fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Donc le rêve, ce n'est pas quelque chose d'apparent. Donc il peut le cacher. Donc comme il savait que ses frères, c'était des jaloux, les frères de Youssouf, Yaqub lui a dit, alayhi salatu wassalam, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils ruseraient contre toi. Ensuite, il a cité une parole ici également de Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre Ihya Ulumuddin. Pour la parenthèse, Ihya Ulumuddin, qu'est-ce que c'est? C'est un livre de Abu Hamid Al-Ghazali qui est composé en quatre chapitres, on va dire. Et c'est un livre qui parle beaucoup de Tazkiyatun Nafs. Et c'est un livre qui s'est beaucoup répandu dans le monde musulman. Et beaucoup de gens le lisent sans savoir les dangers qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui est à la portée de tout le monde. Dans ce livre, Abu Hamid Al-Ghazali, il a écrit ce livre dans une phase où il était très influencé par le soufisme et l'ascétisme extrême. L'ascétisme qui est étranger à... pas l'ascétisme sunna, l'ascétisme qui est étranger à la sunna. Donc dedans, il a cité beaucoup de khurafat, beaucoup de contes de fées. Il a cité beaucoup de hadiths faibles, voire complètement inventés, parce qu'il n'était pas... c'était pas sa spécialité, le hadith. Et il a cité également beaucoup de choses qui sont corrompues du point de vue de la aqida, notamment du point de vue du tawakkul. C'est-à-dire que dans Ihya al-Muddin, lui, il est sur la théorie du tawakkul soufi. Le tawakkul soufi, qu'est-ce que c'est? C'est que, en gros, ils te disent, si vraiment tu es un mutawakkil, sors dans le désert sans rien. Et fais confiance à Allah. Est-ce que ça, c'est la sunna? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il partait en guerre avec son armure. Il a dit à l'homme, attache ton chameau, puis fais confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tadaou, prenez des médicaments. Donc il n'a pas dit aux gens, faites rien, sortez comme ça, comme des fous, et après dites que vous faites confiance en Allah. Al-Ghazali, il est sur cette notion-là, dans son livre Ihya Ulumuddin. Il est aussi dans un extrême vis-à-vis de l'ascétisme. Par exemple, dedans, il rapporte des histoires d'ascètes qui vivaient dans des grottes. Sachant que ça n'existe pas déjà dans l'islam, le fait de s'isoler complètement de la Ummah, dans une grotte par exemple. Le musulman est censé prier à la mosquée. Et puis qu'il mange un verre, un petit pois par jour. Ça, c'est pas... il n'y a rien de louable dans ça, dans la sunna. Donc dans Ihya al-Muddin, il fait les louanges de ce genre de comportement. Zuhd. En fait, ascétisme, ça peut vouloir dire zuhd et ça peut ne pas vouloir dire zuhd. C'est un mot qui est un peu... truc. En gros, l'ascétisme, c'est vraiment le fait de se passer de la dunya à fond. Alors que zuhd, c'est pas ça dans l'islam. Mais souvent, dans les livres, ils traduisent l'ascétisme par zuhd par l'ascétisme. Je trouve pas d'autres mots vraiment. Le mieux, c'est de garder le mot zuhd. Donc voilà, c'est pas un livre, en vérité, qui est à conseiller. Il y avait même des khulafa à l'époque des Mourabitines au Maroc qui confisquaient toutes les noussars, toutes les copies de Ihya al-Muddin et qui les brûlaient sur la place publique à cause du tasawwuf et des différentes hérésies et des hadiths inventés qu'il y avait dans ce livre. Et maintenant, c'est un livre qui a du succès, mais le problème, c'est qu'il a du succès et des gens qui n'ont pas de bagage, ils le lisent, mais ça peut faire des catastrophes. Par contre, quelqu'un comme Abdullah al-Fawzan, quand il écrit Charles Boulour al-Marin, quand il te dit Qala Abu Hamid al-Ghazali, lui, il sait tirer du livre les choses qui sont bonnes et dans lesquelles il n'y a pas de danger pour le lecteur. Donc, par exemple, ici, il a cité une parole de Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qui, pour la parenthèse, Abu Hamid al-Ghazali est surtout connu pour le côté spirituel et tout, mais en vérité, sa place dans l'imam, c'est surtout que c'est un faqih shafi'i. C'est une des références dans le madhhab de l'imam shafi'i, rahimahullah ta'ala. Je vous résume ce qu'il a dit al-Ghazali ici. Il dit en fait, sache que la jalousie, ça fait partie des grandes maladies du cœur, dont le remède est de comprendre que ça ne te profite en rien. Et ça ne nuit en rien à ton ennemi, si vraiment celui dont tu es jaloux, c'est ton ennemi. Donc si tu te rends compte que c'est nuisible pour toi, et que lui, ça ne lui fait rien, bah, si tu es intelligent, tu vas te débarrasser du hasad. Sinon, ça veut dire que tu es l'ennemi de toi-même, tu veux du mal à toi-même. Et il dit en fait, en quoi la jalousie ne te nuit? Ça te nuit dans la religion, parce que c'est un grand péché. Parce que bah, c'est se rebeller contre les décisions d'Allah. C'est Allah qui a décidé qu'un tel est riche et qu'un tel est pauvre. Donc quand tu détestes qu'un tel est riche, tu détestes qu'Allah a choisi qu'il soit riche. Tu te rebelles contre Allah. C'est également manquer de compassion, d'amour envers tes frères musulmans. Le musulman, il est censé aimer le bien pour ses frères. Donc dans la religion, ça, le hasad, ça implique plein de grands péchés en fait. Et dans la dunya, également tu vas en pâtir. Pourquoi? Parce que bah, t'es préoccupé par ça, ça peut t'angoisser, ça peut t'attrister, pour rien. Donc dans la dunya et dans le din, t'en souffres. Et ton ennemi, lui, il n'en souffre pas. Parce que tu peux le jalouser autant que tu veux. Si Allah lui a destiné qu'il va aller garder ce bienfait, il va le garder. Donc pourquoi? C'est pourquoi il faut lutter contre cette maladie et s'en débarrasser. Bon, on termine avec un dernier hadith. Donc il dit فَضْلُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Le mérite de celui qui se maîtrise au moment de la colère, c'est-à-dire quand il pourrait se mettre en colère. Donc الحافظ dit رحمه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc عنه c'était عن. Des fois il dit عنه au lieu de répéter le nom du sahabi. Donc c'est عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Il dit l'homme dur n'est pas as-sura'a. As-sura'a, ça vient du verbe sara'a. C'est quoi sara'a? Quand on fait de la lutte, quand un des deux il met l'autre par terre, on dit sara'a. Ou alors il lui met un coup, il le met KO, sara'a. Donc as-sura'a, c'est celui qui est plus fort que les gens physiquement et qui les met par terre, en gros. C'est ça le... Pardon? Qada alay. Qada alay. Sara'ahu, c'est comme... Ben, qada alay, ça veut dire il l'a tué. C'est plus que sara'ahu. Il a dominé. C'est un niveau au-dessus, qada alay. Sara'ahu, c'est-à-dire il l'a mis par terre, il l'a mis KO, il l'a battu physiquement. Donc as-sura'a, c'est sur le modèle fu'ala, comme par exemple dans Wailun likulli humazatin. Lumaza. Donc ça a le sens de fa'ilun, de celui qui fait une action. Le shir, il a donné une bonne faïda ici. Pour ceux qui sont un peu dans l'arabe, il dit amma as-sur'a bi dhammi as-sadi wa sukuni ar-ra fa huwa bi diddi al-ma'na al-mutaqaddim. Li'anna al-murada bihi man yasra'uhu ghayruhu kathira. Donc si tu mets une sukun sur le ra, au lieu de dire sur'a, tu dis sur'a. C'est l'inverse, c'est celui qui se fait mettre KO. Sur'atun, c'est celui que les gens mettent souvent KO et battent souvent physiquement. Et sur'atun, il y a juste une fatha qui change. C'est le contraire, c'est celui qui met beaucoup les autres par terre et qui vainc les autres, qui est plus fort que les autres physiquement. Il a donné d'autres exemples avec khuda'a. Khuda'a, c'est celui qui se fait souvent trahir. Duhka. Duhka, c'est celui dont on rigole souvent. Donc le hadith, il dit que l'homme fort, c'est pas celui qui bat les autres physiquement. En fait, dans l'habitude des gens, c'est ça l'homme fort. Mais c'est comme s'il voulait nous dire, auprès d'Allah, c'est pas ça l'homme fort. La force qui est louable, c'est pas celle-là. la shidda qui est louable auprès d'Allah, ce n'est pas celle-là. Il dit innama shadid, l'homme fort n'est autre que celui qui maîtrise sa personne, عند الغضب, au moment de la colère. عند الغضب, c'est-à-dire عند أسباب الغضب. Quand la colère monte en lui, il arrive à ne pas agir selon la colère. La colère, elle est là, mais il arrive à la contenir. Et donc à ne pas s'en prendre aux autres, ni par la parole, ni physiquement, alors que la colère, elle le pousse à ça. Donc il est plus fort que sa colère. Celui-là, c'est le vrai shadid auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que ce n'est pas non plus celui qui, à la base déjà, n'a pas de colère. Ça veut, une personne, elle peut être calme comme ça, c'est-à-dire de nature. Donc ça, c'est louable également. Mais ce n'est pas comme celui qui est poussé par sa colère et qui la combat. Ça, c'est un autre... C'est autre chose. Alors que parfois, certaines personnes, ils peuvent tout simplement ne pas se mettre en colère. Ils sont sages de nature. Ça, c'est louable également, mais c'est deux choses différentes. Donc là, il parle de Ash-Shadid, c'est-à-dire l'homme fort. C'est comme s'il disait l'homme fort auprès d'Allah, l'homme dur auprès d'Allah. C'est celui qui arrive à se maîtriser. Et Allah, dans le Coran, il a fait les éloges de, dans Surat Al-Imran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ceux qui contiennent leur ghayz, leur rage. C'est-à-dire que la rage, elle est là, et il arrive à l'écraser et à ne pas se laisser guider et à agir en conséquence de sa colère et de sa rage. Donc, tout ça pour dire que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu donc dans les mauvais comportements, al-hasad, le fait de jalouser les autres, et al-ghayz, c'est-à-dire le fait de se mettre en colère, de se mettre en rage et d'agir en conséquence, de parler en conséquence. On va se contenter de ça, inshallah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Qui a jeté un œil un peu Moussaïd al-Tayyar, Saïd al-Qahtani?